après le passage de BDM sur Terre, l'évolution de la conscience n'est plus comme avant, que tu n'avais pas besoin de souffrir autant dans l'initiation. C'est parce qu'il y a un contexte hein, qui s'en va vers les certains événements. C'est certain qu'il y en a, ils vont souffrir moins. Puis c'est correct, mais oui, on n'est plus censé souffrir pour rien, en tout cas.